tient ça de mon cousin le lion, qui refusa la soumission. À cette idée j'y ai souscrit, et y'aura aucun compromis. Le chat, je suis le chat. Le chat, je suis le chat. Ouais. Bien avant le temps des pharaons, sans condition, et malgré son évolution, le bipède reste la solution. Je cultive son admiration et joue avec leurs émotions. Je profite de leur dévotion, rien n'arrêtera leur passion pour le chat.